Dans la rue. Voyons. Je tourne à droite. Je traverse la rue et je prends la deuxième à droite. Ou bien, est-ce que c'est la première? Ou la troisième peut-être? Je vais demander à cet homme. Pardon, monsieur. Où se trouve le boulevard Haussmann, s'il vous plaît? Je cherche les grands magasins. Eh bien, allez tout droit, jusqu'au passage Clouté. Ensuite, non, n'allez pas dans les grands magasins. Venez prendre un café avec moi. Je vous invite. Non, merci. Vous avez peur, mademoiselle?